Allô, maman, j'ai peur. Gare de Genève, avril 2014. Ils l'ont vu venir, dodu comme un pigeon, le petit quarantenaire blond, avec son beau sac à dos rouge. Dans leur belle guitoune baptisée numéro 1 de la sécurité des masses. Ils l'ont vu venir avec ses gros sabots, son air naïf et son joli portefeuille rembourré. Ils avaient une belle documentation, beaucoup de lumières clignotantes, des boîtes en plastique de différentes tailles avec des fils qui ressortaient, des superbes claviers aux numéros bien dessinés et des stylos en acier pour signer des contrats en béton. Ils se sont fait un devoir de le mettre au courant de tous les dangers qui menaçaient notre civilisation et même notre société. Et en plus, vous habitez près de la frontière. Non, mais vous vous rendez compte à quel point vous êtes une proie facile pour les cambrioleurs de tout poil qui n'auront que 3 kilomètres à parcourir une fois votre maison vidée? Ils se fichent pas mal que les valeurs du pauvre garçon, outre la maison qu'il habite, ne soient constituées que de 2 ou 3 objets anciens. Une vieille horloge neuchâteloise, une collection de boîtes à musique. Absolument invendable. Ils ne veulent pas savoir que rien de tout cela ne saurait intéresser un cambrioleur moderne digne de ce nom. Pas fou ce dernier qui ne ramasse que le cash, l'électronique haut de gamme, les bijoux et les montres, et les derniers modèles de pommes. Comment diable pourrait-il renfourguer les dites horloges et boîtes à musique, toutes deux des pièces uniques? Il faut avoir fait des études pour en connaître la valeur. Et les études, justement... Alors voilà, en 2 temps, 3 mouvements, emballé, c'est pesé, notre joli pigeon roucoule, tout content d'avoir trouvé, dans son immense solitude de célibataire livré à lui-même, une oreille compatissante et bonne conseillère pour ses futurs malheurs. Rendez-vous est pris, et dans quelques jours, vacances oblige, un malabar cravaté et soudé à son attaché caisse, n'est jamais mieux protégé que par soi-même, viendra lui faire signer les documents qui le lieront pour une période de 5 ans incompressible à ses samaritains. Certes, il possède une jolie fortune léguée par ses parents et qu'il s'est engagé à dilapider au mieux de ses compétences pour le plus grand plaisir de ses amis banquiers. Mais dès demain, chaque misérable sou gagné dans le petit boulot qu'il occupe en l'exploitant 3 jours par semaine va servir à payer l'onéreux système d'alarme gardien de ses inestimables biens. Qu'il est rassurant de savoir pour qui l'on travaille. Qu'il est rassurant d'avoir un but dans la vie. 2 mois plus tard. L'installateur est arrivé ce matin à 9 heures. J'essaie à grande peine de savoir où je me situe dans tout cela. C'est difficile parce que je sens la colère monter en moi inexorablement. Si cela dépendait de ma volonté, je les poursuivrais, ces gens-là, pour abus de faiblesse. Mais comment empêcher de boire un âne qui a soif? Puisque, de toute évidence, leur victime est contente de l'être. Quant à moi, personne ne m'a demandé mon avis. À moi qui n'ai plus rien à voler depuis que mes petits ont quitté le nid familial. Et quelle femme serait assez bête pour vouloir de mon artiste de mari qui n'expose même pas ses tableaux, ne les vend pas, sans parler de les signer? Je n'ai donc rien à voler et je supporte mal que l'on m'impose cette intrusion en s'imaginant me faire un immense cadeau. De quel droit pénètre-t-on dans mon intimité pour essayer de m'inoculer des peurs qui ne me concernent pas, pour m'empoisonner avec des angoisses étrangères, des réminiscences de faits divers, de journaux télévisés malsains, de propagande d'assurance véreux? Je ne souhaite pas entrer dans cette spirale. Notre époque est ce qu'elle est, mais en regard de bien d'autres, passés et à venir, elle reste à mes yeux l'une des plus propices à la joie de vivre et au bonheur partagé. En regardant tout au long de cette journée spéciale travailler le poseur d'alarme, commandité par notre propriétaire, je ressens en outre une infinie tristesse. Comment des êtres humains peuvent-ils en arriver à être réduits à escroquer leurs semblables? J'imagine le petit crabe qui tente désespérément de sortir de son panier après être monté sur tous les autres. Il faut bien se nourrir, n'est-ce pas? Traire les vaches tant qu'elles ont du lait, se faire sa place au soleil. Et puis, finalement, sortant ma plume de l'encre de mon ressentiment, je détourne les yeux, décide de laisser faire la nature et regarde s'éloigner la grosse Mercedes noire de notre nouveau protecteur. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.